allume tous mes copains comme des chandelles à la Toussaint. Déborah, Déborah, prends garde à mes coups de colère, ils sonnent comme éclate un tonnerre. Déborah, Déborah, si j'en trouve un dans mon peignoir, les cheveux collés, les yeux hagards. Déborah, ça ira mal pour toi. La première fois ça m'a fait rire, le pauvre gars ne savait plus quoi dire. Déborah, il était plus gêné que moi. Hey! Si tu as le feu quelque part, si tu ne peux pas rester un soir sans un homme avec toi, fais-toi engager cantinière au corps des légions étrangères. Et Déborah, oublie-moi, je ne peux pas te traiter de putain parce que je suis loin d'être un saint. Mais dis-moi, Déborah, si tu allumes tous mes copains comme le feu dans un bois de sapin. Déborah, comment appelles-tu ça? Hey! J'en ai marre de savoir le soir qu'un type est planqué dans l'armoire. Déborah, Déborah, et pour te dire la vérité, j'ai peur qu'il en meure étouffé. Déborah, Déborah, jure-moi que cette fois c'est bien fini, qu'on sera tous les deux dans mon lit. Oh, Déborah, jure-le-moi, et un bon conseil entre nous, souviens-toi de Pierre et du loup. Déborah, Déborah, il le dévora. Hey! C'est mon dernier avertissement, après tu dégages comme le vent. Déborah, Déborah, même si je ne suis jamais jaloux, souviens-toi de Pierre et du loup. Déborah, Déborah, Déborah, Déborah, il le dévora. Na, na, na, na, na, na, na.